Hérodiade, grand air de Fanuel, chanté par M. Baer de l'opéra chez Pathé Frères. Perverse, ignore le destin qui frappera tes fils au milieu de leur fête. Dors et n'écoute pas la plainte des prophètes. Oh,